Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le député poète Gérald Godin. La politique, Gérald Godin, derrière ou devant l'écriture? Je dirais imbriqué, comme dans le tricot, là, comme on dit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. La maille à l'endroit est probablement la politique, à l'envers, la littérature ou le roman. Gérald Godin, au micro de Suzanne Giguère à l'émission Les Belles Heures en 1990, Gérald Godin a été à la fois poète et politicien. Avec sa poésie, il a voulu donner une voix aux moins fortunés. Et en politique, c'est un pays qu'il a voulu offrir aux Québécois, à tous les Québécois, quel que soit leur pays d'origine. Les coquerelles de Parlement, les patineurs de fantaisie, les zigonneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale, les visages de peau de fesse, les totounes de la finance, les faux surpris de McGill, les pleurines des Sénats, la puanterie des antichambres de ministres, les va-la-gueule de l'égalité ou l'indépendance, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regrettiers de la patrie dans les pawn shops de la nation, les écartillés de l'honnêteté, les déviergés de la dignité, les baveux du million mal acquis, les éjarés de la vente aux plus offrants, les pédleurs du fédéralisme enculatif, la ratatouille du pot de vin, les taches de graisse sur la conscience, de tous ces trous de cul, on a notre maudit tabarnak de Saint-Ciboire de Saint-Crème, de Gériboire d'Ostitosté, de Sacrement d'Étole, de Crucifix de Calvaire, de Couleuré d'Ardent Voyage. Gérald Godin, récitant son poème « Énumération à la nuit de la poésie » en 1970, pour nous présenter le portrait de ce député poète. Vous venez bien de l'entendre, ce député poète en pleine action, qu'a été Gérald Godin. Donc, je reçois Jonathan Livernois, qui est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval, qui travaille actuellement justement à un projet d'essai biographique consacré à Gérald Godin. Jonathan Livernois, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. C'est vrai que quand on pense à Gérald Godin, d'abord, ça a été l'un des rares poètes ou hommes de lettres à avoir fait de la politique chez nous. Et quand on pense à lui, il est mort en 94. C'est à ça qu'on pense, le poète et le politicien. Qu'est-ce qui, au fil du temps, a pris le dessus dans la mémoire collective? Bien, vous avez raison de le dire. Hein, au fond, c'est le seul véritable député poète au Québec du 20e siècle. Des gens seront auteurs un peu à côté, mais vraiment, là, un poète établi, c'est le seul. Vraiment, le prédécesseur le plus proche, c'est Félix-Gabriel Marchand, qui meurt en 1900. Alors, on voit un peu. Ce qu'on a quand même assez éloquent. Ça veut dire beaucoup de choses sur notre rapport à la culture. Hein. Et ce qu'on comprend aussi avec Godin, ce qu'on retient surtout de Godin, je vous dirais maintenant, c'est peut-être, oui, certes, la poésie, certains vers, on vient d'entendre Énumération, c'est assez connu. Mais c'est beaucoup le militant qui a pris le dessus. Oui. L'image surtout du conjoint ou d'une partie de ce couple Godin-Julien. On sait donc que c'est le conjoint de Pauline Julien pendant une trentaine d'années. Et ça représente, ça personnifie en quelque sorte la Révolution tranquille, les combats, les remises en question. Alors, je pense qu'on retient beaucoup cette image qui s'est aussi un peu cristallisée après le printemps 2012. On a retrouvé d'anciennes figures comme Gaston Miron, par exemple, qui sont revenus un peu à l'avant-scène comme étant ces incarnations d'une revendication. Le combat pour le pays, hein, si on veut faire court, mais c'était beaucoup ça. Exactement. Puis c'est vrai, vous avez raison de le dire, que ce couple-là aussi, le couple Pauline Julien, Gérald Godin, c'est l'un des couples qui, d'une certaine façon, incarnait ou représentait, en qui une partie des Québécois se reconnaissait. Absolument. Couple un peu emblématique. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ouais. Et ce qu'on retient aussi, peut-être un peu maintenant, davantage, c'est le rapport, c'est le travail de ministre, en fait, de Gérald Godin. On en reparlera, mais comme ministre des communautés culturelles, de l'immigration, il est peut-être l'un des meilleurs, en mon sens, avec le père Jacques Couture dans les années 70, donc des gens qui ont une vision très humaniste du rapport aux autres. Et d'inclusion, hein, l'indépendantiste qui veut que ce pays-là existe pour tous ceux qui habitent ce territoire. Tout à fait. Ouais. Il aura trois grandes passions, encore là, si on veut faire court, et c'est un peu formule, mais c'est ça, trois grandes passions dans sa vie, la poésie, le journalisme, la politique. Commençons par la poésie, et quand on commence à parler de la poésie, poésie dans la vie de Gérald Godin, forcément, ça nous ramène à son enfance et au père. Vous avez tout à fait raison. Son père est Paul Godin. C'est un médecin. C'est un médecin plutôt conservateur. C'est un... On est à Trois-Rivières. On sait, Gérald Godin est né en 1938. Trois-Rivières, c'est la ville de Maurice Duplessis, oui, évidemment. Et d'ailleurs, Godin fera beaucoup de blagues là-dessus parce qu'il dit, au fond, je voyais souvent Maurice Duplessis à côté de chez moi et je me sentais protégé. À ma gauche, il y avait la cathédrale. Et puis, juste à côté, il y avait la maison de Maurice Duplessis. Oui. Tout le Québec était sur ma rue, pour ainsi dire. C'est vrai. Et son père était unioniste. Et aussi poète à 16 heures, plutôt classique, évidemment. Et Gérald se trouvait assez rapidement à retranscrire, à taper à la machine, si vous voulez, les textes de son père. Donc, on va avoir une édition un peu plus tardive des textes de son père. Mais donc, Godin a cette jeunesse à Trois-Rivières, assez classique, je vous dirais. Donc, une petite bourgeoisie. Il se retrouve au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières aussi. D'ailleurs, au même moment, on a quelqu'un comme Jean Chrétien qui fréquente les lieux. Hein? Donc, c'est ce petit milieu. Et il va, évidemment, être ce qu'on appelle communément un drop-out, c'est-à-dire qu'il ne finit pas sa philo 1. Mm-hmm. Alors, le cours classique durait 8 ans. Finalement, il s'intéresse davantage à ce qu'on appelle le journalisme. Et là, tout à coup, il devient correcteur d'épreuves de nuit au journal Le Nouvelliste, ouais, à Trois-Rivières. Et il va rapidement intégrer l'équipe éditoriale et devenir, dès mai 1958, journaliste aux pages culturelles. Et l'écriture aussi, toujours, l'écriture journalistique, puis dès 1960, un premier recueil de poésie. Poésie. Gérald Godin lit des extraits d'un recueil en préparation. Cœur d'oiseau, des jacks épouvantables avec un cœur d'oiseau, de ceux qui pleurent dans leur bière pour des fillettes sans nom, des petites crisses, des beautés rares, des pétards d'un soir pour des gars à vie, des sanguinaires, des déchaînés, n'attendant que de graffiner, des jacks épouvantables avec un cœur d'oiseau, des gars de 200 livres qu'on ramasse aux porte-poussière, passer mes nuits bien entendu, tous les soirs aux aventures, un souvenir d'elle a le malheur de les frapper. Extrait de l'émission La Nouvelle Poésie, diffusée en 1972. On y entend Gérald Godin réciter quelques poèmes tirés du recueil qu'il va publier un peu plus tard, Liberté surveillée. Parlons donc un instant, Jonathan Livernois, de Godin, le poète. Premier recueil de poésie, donc, en 1960. Qu'est-ce que ça représente pour lui, dans sa vie, la poésie? Puis je vous dirais quel genre de poète il va être. C'est évidemment central. Donc, 1960, premier recueil, et jusqu'à la fin, pour ainsi dire, il écrit de la poésie jusqu'en 1994. Au départ, vous savez, c'est le premier recueil, chanson très naïve, un style un peu différent, presque garnélien, qui rappelle Saint-Denis Garneau, des châteaux, des images de l'enfance. Mais ce qu'on connaît surtout de Godin, ce qui va faire un peu sa renommée poétique, c'est la forme de ce qu'il appelle le cantouk. Qu'est-ce qu'un cantouk, au fond? Ben, c'est la récupération d'un mot anglais, cant hook, qui était un crochet utilisé dans les chantiers, ouais, pour déplacer les billots. Et Godin se dit, en francisant le nom, cantouk, je me trouve en quelque sorte à le rédimer, à lui donner une beauté. Et au fond, c'est tout le projet de Godin en poésie. C'est de ramener les mots qu'on considère dévalués, les mots moins, les mots du quotidien, des gens qui se sentent en quelque sorte justement dévalorisés. Ouais, la langue du peuple. La langue du peuple. Ouais. Et qui se sentent mal. Et pour lui, l'important, c'est toute cette perspective aussi de la décolonisation des années 60, c'est de ramener ça et d'en faire de la poésie. Ouais. Alors, autant Godin va avoir un goût fort pour les mots, les québécismes, les expressions truculentes, et aussi pour des formulations, des structures de phrases fautives qu'il va transformer en poèmes. Donc, utiliser les mots de l'aliénation pour leur donner une dimension poétique. Oui. Et ça ressemble, au fond, puis on y viendra dans un instant, à son passage en politique, mais c'est cohérent, cette volonté qu'il a de parler, de faire de la poésie avec les mots de l'aliénation, comme vous venez de le dire. C'est cohérent, et donc de parler la langue du peuple, du petit peuple, entre guillemets, c'est cohérent avec sa pensée politique aussi. Exactement, puis on l'entendait en introduction, quand il parle de tricot, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, C'est ça, la poésie, la politique, et je vous dirais même aussi le journalisme. Chez Godin, il n'y a pas vraiment de frontières. Tout ça s'interpénètre, ouais. Et tout part d'une écoute de l'autre, et beaucoup aussi, je vous dirais, de l'importance de redonner les mots aux autres, leur redonner une certaine fierté, ouais. Et je pense que ça traverse toute l'œuvre de Godin. Ouais. Et le journalisme, il aura la piqûre avant même son premier recueil, donc oui. Vous nous disiez 58, son premier poste de journaliste. Là encore, il y a une cohérence, parce que c'est pas juste pour lui... On peut, je pense, parler de vocation. C'est pas juste un métier comme un autre. C'est pas un hasard qu'il veuille faire du journalisme. C'est pour lui une école du réel, en quelque sorte. Donc, on le retrouve au Nouvelliste, comme je le disais tantôt, à Trois-Rivières, et il parle de toutes sortes de choses. Donc, autant des chiens écrasés que du Festival des fleurs de Trois-Rivières, que de toutes sortes de choses, et aussi des pièces de théâtre de ce qui se passe dans la vie de Trois-Rivières. Mais rapidement, donc, il s'intéresse à ça. Il va à Montréal, déménage de manière définitive à Montréal à partir de 62, et va notamment se retrouver à Radio-Canada. Mais aussi, comme vous venez de le dire, c'est pour lui, c'est une vocation. Ouais. Ce qui fait qu'on le retrouve dans les organes de presse, disons, plus militant. Oui. On le retrouve en 1969 à Québec Presse, qui est un quotidien au départ, un hebdomadaire, qui est lié au monde syndical, mais donc très militant, mais en même temps, c'est du journalisme d'enquête que fait Godin dès cette époque. Il fait des enquêtes sur le monde de la finance, sur les magouilles politiques. Vraiment, là, c'est une traversée du réel. Une expression que j'aime beaucoup, en fait, Denis Arcand, qui a travaillé avec lui à l'ONF, parce qu'il était aussi à l'ONF à ce moment-là, c'est la belle époque où on passait de Radio-Canada à l'ONF, dans les journaux. Arcand disait, Godin, au fond, c'est un recherchiste. Dans vraiment tout ce que ça veut dire de... Il s'intéresse. Il ne veut pas faire un film pour faire un film, faire un texte pour faire un texte. Il veut comprendre les gens et il aime rechercher les choses. Il aime comprendre comment fonctionne un lieu. S'il va, par exemple, à Louisville voir comment fonctionne le milieu du textile, ouais. Il veut comprendre comment fonctionne la ville. Pas juste en tirer un film ou un reportage. Alors, de ce point de vue-là, c'est tout à fait typique de Godin qui va continuer, donc, avoir ce regard, même quand il était ministre. Des fois, il se disait journaliste, en quelque sorte, comme s'il se trompait, comme si pour lui, c'était une espèce d'interpénétration des métiers. Oui. Et c'est le journalisme qui va... On a rapidement, au début de l'émission, évoqué le couple qu'il va former pendant à peu près 30 ans avec Pauline Julien. C'est le journaliste qui va le mener à Pauline Julien, en quelque sorte. Prenons une petite minute pour en parler, parce qu'on a déjà consacré une émission à ce couple-là, Pauline Julien, Gérald Godin. On a déjà consacré une émission d'une heure à Pauline Julien. Mmh. Donc, on connaît un peu cette histoire-là, mais quand même. Un petit mot sur ce que ça a été, cette relation-là. C'est une relation de 32 ans, donc de 1962 à 1994, deux personnes qui ont vécu ensemble, deux personnes aussi qui ont vécu séparément, parce que Pauline Julien est sans cesse en tournée et Gérald Godin est de plus en plus occupé par la politique. Donc, c'est pour ça qu'une très riche correspondance qu'on a pu faire paraître il y a 10 ans, puis on en a fait d'ailleurs paraître un autre volume récemment, et on voit évidemment une passion trouble. La correspondance est marquée par un amour complexe, difficile, lourd par moments. J'oserais même le mot « malsain » par moment. Oui. Mais en même temps, les deux vont puiser une certaine force, une grande force même dans cette relation. Et je vous dirais ce que, personnellement, je trouve le plus inspirant dans cette relation, c'est la fierté que l'un a envers l'autre. Les deux se sentent très fiers l'un de l'autre. Ils sont très contents de savoir, par exemple, que Pauline Julien répond violemment au ministre Gérard Pelletier à Niamey, en Afrique. Godin est enthousiaste, heureux, alors que Pauline Julien est fière de cet homme qui devient député. C'est très beau. Ils se nourrissent, vraiment. Après avoir examiné la situation et compte tenu des requêtes du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. Ceci a été fait à 4 heures ce matin afin de permettre aux autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour tenir en échec tous ceux qui préconisent la violence ou l'exercent à des fins politiques. Ces pouvoirs comprennent le droit de procéder sans mandat à des perquisitions ou à des arrestations, de détenir des suspects sans avoir à porter immédiatement contre eux des accusations précises et de recourir à la détention sans cautionnement. Ben d'abord, ils ont fracassé la porte d'entrée, ils sont entrés par effraction, si on peut dire. Et moi, je dormais, j'ai entendu du bruit dans le corridor à la porte de ma chambre. J'ai ouvert la porte pensant que, bon, en me demandant qui était debout à cette heure-là dans la maison. Et là, j'ai vu 3 policiers, armes au poing, qui étaient dans la porte de ma chambre. Et je pensais tout de suite au début, c'est des pompiers, il y a un feu, bon, ne faisant pas le lien, et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, ils ont dit, on vient vous chercher. Vous attendiez pas du tout à être arrêté? Pas du tout. Et j'ai demandé, avez-vous un mandat? Et là, ils m'ont dit, avec un sourire triomphant, on n'a plus besoin de mandat. Et c'est là que vous avez appris que c'était... Et j'ai dit, pourquoi? Là, ils nous ont dit, ouvrez la télévision et vous allez comprendre. Et là, on est descendu en bas, toute la famille, parce qu'il y avait les enfants, il y avait, bon, ma compagne, Pauline. On est tous descendu en bas, on a regardé la télévision, Radio-Canada, il y avait Bernard de Rome qui résumait la situation et qui disait qu'il y avait eu en pleine nuit l'adoption d'une loi, par-dessus toutes les procédures parlementaires normales, l'adoption d'une loi d'urgence qui permettait à la police et à l'armée d'arrêter, enfin, l'armée était au Québec et la police pouvait arrêter n'importe quel citoyen sans mandat, sans justification, sans aucune autorisation judiciaire normale. Gérald Godin, répondant aux questions de Marc Laurendeau à l'émission Télémag en 1980, 10 ans après la crise d'octobre. Juste avant, vous entendiez, vous l'avez peut-être reconnu, Pierre-Éliott Trudeau, annonçant donc l'entrée en vigueur de la loi sur les mesures de guerre en octobre 70. Gérald Godin va faire partie, Jonathan Livernois, des indépendantistes québécois, ils vont être nombreux, à être emprisonnés dans le contexte de cette crise d'octobre en 1970. Ça va être un moment important pour lui, marquant. De quelle façon ça va le... Qu'est-ce que ça va signifier pour lui? Mais c'est un traumatisme, hein, évidemment. Ouais. Pour tous ces gens, on parle de 450 à peu près personnes arrêtées, pas seulement les indépendantistes, aussi des gens de gauche. Hein? C'est toute une drôle d'histoire. Godin le vit un peu de manière honteuse, c'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi il est arrêté. Donc, c'est le matin du 16 octobre. Il est, comme l'explique dans le reportage avec Marc Laurendeau, d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, cet entretien se passe dans la cellule que Godin occupait 10 ans auparavant. Oui. Alors, Godin se fait arrêter, comprend pas trop, et il se retrouve à Parthenay. Donc, avec plusieurs autres personnes, comprend pas. Et évidemment, il y a un texte magnifique, hein, j'invite les auditeurs à le lire, ça se trouve facilement sur Internet, le journal d'un prisonnier de guerre, que Godin va écrire une semaine après sa libération. Et ce qu'il dit, au fond, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et tout ce qu'on voit de la fenêtre de la prison, c'est le drapeau de Radio-Québec qui est en berne, et on ne sait pas qui est mort parce qu'on ferme la radio systématiquement. Ouais. On éteint la radio pour pas que les gens entendent. Et il est relâché 6 jours plus tard. Et comme on le dit, il n'y a pas d'accusation, il n'y a rien. Donc, jusqu'à la fin de ses jours, il va vouloir comprendre pourquoi il a été arrêté. Il va même se rendre jusqu'à la GRC, demander son dossier. Il ne l'aura jamais. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, peut-être? Évidemment, il est membre des directeurs d'une maison d'édition qui s'appelle Parti Pris, hein, qui est la suite, en quelque sorte, de la revue Parti Pris. Il a eu des contacts avec des felkistes, très clairement. Il en a publié. C'est un indépendantiste. C'est un indépendantiste, bien sûr. Mais rien ne laisse paraître une activité terroriste, loin s'en faut. Ouais. Alors, de ce point de vue-là, Godin l'a vécu très mal et l'a intériorisé d'une certaine manière et a pu utiliser ça aussi dans sa poésie. On évoquait il y a un instant le recueil Liberté surveillée en 75. Ouais. Il y a de très beaux poèmes sur Octobre où on montre vraiment toute la douleur de ces gens qui sont retrouvés parfois pendant une semaine, 2 semaines en prison sans savoir pourquoi. Gérald de Godin, votre élection, est-ce qu'elle est confirmée dans Mercier? Ben, je sais qu'on doit mener à l'heure qui est là par à peu près 1000 voix sur le premier ministre. Et cette majorité, elle s'inscrit dans combien de bureaux de scrutin, s'il vous plaît? La majorité. Dans la majorité des bureaux nous donne 1000 voix de majorité au total. À quoi attribuez-vous votre victoire sur le premier ministre, M. Bourassa? Les Québécois n'aimaient plus ni cet homme, ni ce gouvernement. C'est ce que j'ai constaté dans le porte-à-porte. Le premier ministre Bourassa vient d'être défait par Gérald Godin dans Mercier. De même, c'est Camille le signe d'un renouveau pour le Québec. C'est un nettoyage complet. La page historique est tournée. Le nouveau Québec commence. C'est Camille Lorrain, donc, que vous entendiez à la fin de cet extrait qui va être ministre dans ce gouvernement de René Lévesque, gouvernement du Parti québécois élu le 15 novembre 1976, gouvernement auquel participera aussi Gérald Godin, élu député du Parti québécois dans le comté, en fait, du premier ministre libéral Robert Bourassa, premier ministre en poste, le jour du déclenchement de cette élection qui va mener le Parti québécois au pouvoir. Avant de parler davantage de ce que va représenter la vie politique pour lui, pour Gérald Godin, Jonathan Livernois, un mot sur ce qui l'amène à faire le saut en politique. C'est une histoire extraordinaire. D'ailleurs, Jacques Parizeau le disait comme ça. Un poète en vélo bat un premier ministre économiste. Oui. Pour lui, il y a toute l'image de ce Québec de 76 là-dedans. Au fond, Godin était intéressé par la politique. Il l'était déjà dès 1974. Il avait pensé peut-être se présenter aux élections municipales pour le RCM. Hein. On connaîtra ensuite le maire Jean Doré de ce parti. Mais en 76, il se retrouve dans une drôle de situation parce qu'il y a une grève à l'UQAM. Hein. Il tente deux emplois, il est chargé de cours. Et là, on lui dit, on voudrait peut-être que tu te présentes dans Mercier. Évidemment, il n'y a aucune chance d'être élu. Dans son esprit, au départ, c'est une façon de donner une représentation au Parti québécois, de se faire connaître aussi à certains égards. Et même deux semaines avant les élections, la presse va titrer « Bourassa peut dormir tranquille dans son comté ». Mais plus ça avance, plus Godin y croit. Parce que Godin fait une campagne assez intéressante, il fait une campagne à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il sert beaucoup, beaucoup, beaucoup de mains. Ouais. Il fait du porte-à-porte sans arrêt. Il qualifiera ses visites de party du jour de l'an. Pour lui, les gens lui parlent et son travail de journaliste lui sert ici parce qu'il est capable d'aller chercher des gens, un peu de les séduire, de comprendre les problèmes. Il est un observateur, il est un journaliste, il comprend les phénomènes. Et c'est une forme, peut-être, je dirais, de populisme, mais un populisme, je dis un peu à la blague des fois, une sorte de duplessisme de gauche. Oui. Parce qu'il est là, très ratoureux, très efficace. Donc, il plus de 3000 portes. Il aime bien, je vous donne un exemple, à quel point c'est un politicien un peu à l'ancienne. Il fait le tour de tous les restaurants de son comté une fois qu'il est élu et il va manger au moins une fois dans un restaurant. Donc, plus tard, quand les gens, je ne sais pas, un candidat libéral arrive pour dire « j'aimerais afficher... » On dit non, on ne peut pas parce que M. Godin est un client ici. Ouais. Alors, Godin s'approprie son comté et le voit comme un village. Et il va aussi tisser ses liens étroits avec tout, évidemment, tous ses commettants, mais en particulier aussi avec, on en a parlé un petit peu, puis c'est peut-être en politique son principal legs, c'est cette espèce de contact qu'il va réussir à faire comme indépendantiste avec les membres des communautés culturelles. Il se dit nationalitaire. Donc, se dire nationalitaire, c'est ouvrir la porte aux autres. Et à partir de 1980, il devient ministre des communautés culturelles et de l'immigration. Et c'est là que Godin va faire sa marque, véritablement. Il ouvre le projet nationaliste aux communautés culturelles. Et il est capable, dans son comté, d'aller chercher les gens. On sait, par exemple, son rapport aux Grecs. Oui. Il n'utilisera jamais le mot « indépendance », il va utiliser le mot « liberté », « eleftheria » en grec, pour dire, au fond, c'est votre devise, les Grecs, rappelez-vous l'indépendance que vous avez acquise. Au Québec, on veut ça aussi. Oui. Et on veut avec nous. De ce point de vue-là, Godin représente ça, et je pense que c'est le legs le plus fort de Godin, ce rapport aux autres qu'on doit ramener à l'avant-plan. Et si je peux me permettre... La poésie de Godin est extraordinaire aussi. Je pense qu'on la connaît malheureusement pas assez. Et je pense qu'il faut y retourner au-delà des quelques vers qu'on connaît déjà. Et tout ça, cette œuvre, ce Québec qu'il travaillait à bâtir, ça va s'arrêter assez abruptement. Enfin, même pas si abruptement, mais une maladie qui va faire qu'il nous quitte jeune, mais qui va durer 10 ans à peu près. C'est à partir de 1984, donc il est encore ministre. Cancer du cerveau, plusieurs rémissions, plusieurs rechutes. Finalement, après une dizaine d'années, en 1994, donc le 12 octobre, il meurt. Il n'a que 54 ans. Et sa conjointe, Pauline Julien, 4 ans plus tard, en 1998. Jonathan Livernois, c'était un bonheur de vous entendre nous parler de Gérald Godin, professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval. Merci beaucoup. Merci, Jacques Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.